suffocation. In some stupid little town, a black killer. Salut à tous et toutes, la tribu, bienvenue dans la 149e Pomme de Afrix, c'est Spike qui vous accompagne, bienvenue. Et oui, vous êtes bien dans la 149e Bumper Fix, c'est Spike, ravi de vous retrouver. Merci pour tous vos messages pour l'émission de la semaine dernière. Le podcast est déjà sur archive.org, les liens sur la page Facebook de l'émission. On commencera tout de suite avec Party All Day de Steel Panther, c'est sur l'album Field Steel qui est sorti le 6 octobre 2009. On retrouve Asian Hooker, Turn Up The Light et Stripper Girl, un classique du genre. On écoutera ensuite Envers et Contre Tous de Tagada Jones. C'est sur l'album La Peste et le Choléra, leur troisième album, sorti le 3 mars 2017. On retrouve Perte et Fracas, Morocon et Narcissique. On écoutera ensuite All the Young Dude en vinyle de Mod the Opel. C'est sur l'album All the Young Dude, leur cinquième album, sorti le 8 septembre 1972. On retrouve Sweet Jane, One of the Boys et Soft Ground. Album produit par Bowie. D'ailleurs, All the Young Dukes, qui a été aussi repris par Arnaud, a été écrit par Bowie. Et cet album relança la carrière de Mod the Opel. On écoutera ensuite une nouveauté, Esperanza, le nouveau Papaya. C'est sur le EP City Divergent, sorti en 2018. On retrouve Money, World Story, Volteface, Esperanza, Lifestyle et Mixdub. On les retrouve sur Facebook, Portar, et tout l'EP de Papaya est sur YouTube en streaming. Et on les retrouve aussi sur toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live avec Résurrection de ADX. C'est sur l'album 8 Sentences, leur deuxième album live sorti en 2001. On retrouve Notre-Dame de Paris, La Dame Noire, Résistance. Ils cherchent leur nouveau bassiste. Alors amis bassistes, contactez-les. Ça peut être une bonne opportunité. Yeah. it in the head when he was 25. Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars from his face, funky little boat race. The television man is crazy, Sam with juvenile delinquent Rex. Oh man, I need TV when I got T-Rex. Oh brother, you get it, I'm a dude man. All the young dudes, hey, dude, carry the news. Where are you? Boogaloo dudes, stand up, carry the news. All the young dudes, I wanna hear you, carry the news. It's a real mean team, but we can love. Oh yes, we can love. And my brother's back at home with his Beatles and his Stones. We never got it off on that revolution stuff. What a drag. Too many snacks. Nah, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some cap to bed. Oh, is that concrete all around? Or is it in my Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. Chaque jour, la vie nous laisse des traces. Mais c'est en musique que le combat continue. On nous dit de courir si on ne veut pas mourir. J'essaie de réussir, oui, à tracer mon avenir. Traverser les champs de blé, écouter l'Asie qui me plaît. Peut-être voyager et rencontrer l'humanité. Connaîtrons-nous alors sur le visage de nos parents connus? Ouais, yo. La reconnaîtrons-nous alors, car il y a bien longtemps qu'on ne l'a pas vu. La humanidad, me quiero quedar, me quiero quedar, para mi ventana, para mirar. Perdí mi deseo, yo perdí la esperanza en la humanidad, me quiero quedar, me quiero quedar, para mi ventana, para mirar. Thank you. trace que la vie te laisse. Efface-la à coups de son, de son. Encore. On a peur de ce qui arrive, à grands pas vers nous, maintenant on a provoqué la dérive. Mais quoi qu'il advienne et quoi qu'il arrive, c'est nos mains contre les tiennes, oui, man, qui fait que l'on se maudit. Esperanza en la humanidad. Me quiero quedar para mi ventana, para mirar. Perdí mi deseo, perdí la esperanza en la humanidad. Me quiero quedar para mi ventana, para mirar. Vous êtes bien dans la 149e Vampire Fix, c'est Spike qui débarque dans votre salon. Ah, c'est bon, on a du bon speed metal comme ça, du bon ADX en live, c'est excellent. On vient de s'écouter Party All Day de Steel Panther, Envers et Contre Tous de Tagada Jones, All the Young Jungs en vinyle de Mod Diopel, Esperanza le nouveau Papaya, et on a fini ce bloc en live avec Résurrection de ADX. On continuera cette émission avec en vinyle avec Burning Hell de Twisted Sister. C'est sur l'album Stay Hungry, sorti le 10 mai 1984. On retrouve I Wanna Rock, We Are Gonna Take It et The Price, un classique du glam rock. On écoutera ensuite No Jah Today de The Abyssinian. C'est sur l'album Satamasania, sorti en 1976. On retrouve Declarations of Right, Forward On to Zion et Black Man's Train du son culte. On écoutera ensuite Believe de Mirat, c'est sur l'album Legacy, sorti le 19 février 2016. On retrouve Jasmine, Get Your Freedom Back et I Want to Die. Ils vont sortir un nouvel album au printemps, courant avril. Des nouvelles très vite, et on a hâte de les diffuser. On les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite une nouveauté et même une exclusivité, Run de Nico Chona et de Fresh Stones. C'est sur l'album éponyme, sorti le 22 décembre 2018. On retrouve Wheels of Obsession, Screen Boy et Black Moon Sky. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live et en reggae avec Don't Feel No Way de Dennis Brown. C'est sur l'album Words of Wisdom, son 10e album sorti le 15 juin 1979. On retrouve Soja Say, A True et Rasta Children. Encore du son culte. Get tomorrow will be too late, and you'll be knocking on the gate. So don't let this change pass you by. You don't know what lies Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Yeah. Brother, whoa, yeah. the hardest working man in the business today. This man's name is Brother Dean Fraser. Let's welcome him. I am. Thank you. up to a man. Hey, a man who is our bigger brother and our advisor. The leader of the band, Brother Lloyd Barks. He's known to be the bass wizard. Let's welcome him. Pardon pour les aficionados de Dennis Brown, j'ai été obligé de couper ce morceau parce qu'il fait quand même 14 minutes et je vais pas mettre 14 minutes de reggae quand même. On vient de s'écouter Burning Hell en vinyle de Twisted Sister, Noja Today de The Abyssinian, Believer de Mirat, Run de, en l'exclusivité de Nico Sona et de Fresh Town. Allez sur les pages Facebook de Nico Sona et de Fresh Towns. Et on a fini ce bloc en live avec Don't Feel No Way de Dennis Brown. On continuera cette émission avec Esliebe die Freiheit de Beton Todd, qui veut dire à nous la liberté. C'est sur l'album Revolution, sorti le 13 janvier 2017. On retrouve Kussmich, Freiheit oder Todd. Donc la liberté ou la mort, vivre libre ou mourir, et Welt in Flammen, nous le voulons en flamme. Et c'est, on les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Pas de doute des Shérifs, c'est sur l'album 3-2-1-0, sorti en 90. On retrouve Jouer avec le feu, Plus de bombes, Trop de tentations, Mayonnaise à gogo, etc. etc. On continuera en punk, ouais j'ai envie de punk, avec Linda de Oberkampf, c'est sur l'EP Linda 4 titres, sorti en avril 83 et qui a été réédité et remasterisé en 2018. On retrouve Linda, Irréel, La Marseillaise et Yovoa. Pat Kebra m'a annoncé qu'il l'avait remasterisé un live, et il me semble même que c'est le live au Bataclan, et qu'il allait être réédité, des news très très vite, et ça on va vite le diffuser. On écoutera ensuite Nice Time de Phyllis Dillon, c'est sur l'album One Life to Live, sorti en 1972. On retrouve Don't Stay Away, Perfidia et Close to You, encore du son culte. Ah ouais, je vous gâte en culte. Et on finira ce bloc en live avec Suburbia de Butch Walker, c'est sur l'album Left of Self-Centered, dans son premier album sorti le 9 juillet 2002. On retrouve Alicia Amnesia, Get Down, Far Away From Close. On le retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. Mais moi je kiffe grave. Tausend Stimmen werden eins und mit Tränen in den Augen. Schultern und beugst dich vor zu mir. Dein Kuss schmeckt wie ein Cocktail aus Nippenstift und Dosenbier. Du flüsterst in mein Ohr, dieser Moment soll niemals enden. Und wir schweben schwerelos über ein Meer aus tausend Händen. Irgendwann zurück. Es lebe die Freiheit. Heute ist alles scheißegal. Wir leben nur Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Childhood so joyously. Wrote a song about it. Want to hear it? Here you go. Well, remember the guy who was a football star? He had it made with the ladies, but he never got far. 5 years passed, now he's gotten kind of fat, working 8 days a week at the laundromat with his mama and his daddy breathing down his neck about everything and does so much it makes him sick. So he sits home alone with a game on TV as the crowd goes wild. He says, just another day in suburbia. It's a beautiful day in suburbia. Best not letting it the best of you. Is it everything you want it to be? Remember playing games at the rich kid's home. His dad on the bank, but his mom was alone. Every day with the trash man, the mailman, long guy. Can't look a damn thing like his dad. He grew up, got a job, making 80 grand a year. Had a wife and a kid, all the guys called it queer. But his dad never knew, he was too blind to see. You know, guess it must have ran in the family. Word. Just another day in suburbia. It's a beautiful day in suburbia. Best not letting it get the best of you. Remember the girl down the street with the kids that used to come outside, but she never did, cause she was trying to hide the bruises where her old man beat her, cause he'd smack her in the face with an old space heater. She'd come home late and try to force sex on her, but he didn't see the 44 stuffed in the cover, so she waited till he came. He lied there naked before she blew his head off. She told him she'd been faking all along. So long for everything you done wrong. Here's a bullet, go to hell, cause it's where you belong. Just another day in suburbia. It's a beautiful day in suburbia. Best not letting get the best of you. Is it everything you wanted? What's my doo-doo-doo to say? Just another day. This is how we live in suburbia. Best not letting get the best of you. Is it everything you thought it would be? sorry, Miss Jackson. I am for real. Never meant to make your daughter cry. Apologize at your drums. I'm sorry, Miss Jackson. I am for real. Never meant to make your daughter cry. Apologize. Nick and your daughter got this thing going on. Some say it's puppy love. I say I'm fully grown. Hope that you feel this. Feel this way forever. You can print a pretty picture, but you can't remember the words to the song. Remember the cutest couple in the world. You know he was the punk and she was daddy's little girl. And graduation came, she wanted him to stay, but he had bigger, better dreams waiting out in LA. She cried and he cried as the plane flew away. She never ever wanted it to end this way. 2 years later, she reads in the news that he gone on to be a big star, but nobody knew. Cause it changed up his name, but his heart stayed the same. You know, cause every song he wrote was about her. He claimed he never got to tell her he died that year. From all of the coke and the pills and the beer, and the whole world cried, but just for one day, cause sooner or later, take us away. Just another day in suburbia. It's a beautiful day in suburbia. That's not letting it the best of you. To everything you thought it would. Just another day in suburbia. This is how we're living in suburbia. That's not letting it get the best of you. Is it everything you thought it would be? Oh, where's my ladies at? Ah, il les rend toutes dingues, le Butch Walker. Vous êtes toujours dans la 149e Vampire Fix et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de s'écouter S-Label du Fry Height de Beton Todd, Pas de doute des Sheriffs, Linda d'Oberkampf, Nice Time de Phyllis Dillon et on a fini ce bloc en live avec Suburbia de Butch Walker. On continuera cette émission avec Shapes and Shadow de Panda Dub, c'est aussi le titre de cet album sorti le 1er mars 2017. On retrouve Lost Temple, Kalahari et Drizzle. On les retrouve sur Facebook, Soundcloud, Bandcamp et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite une nouveauté, My Babe de Screaming Kids. C'est sur l'album, le EP 5 titres, bien avant que le soleil ne se lève, sorti en 2018. On retrouve bien avant que le soleil se lève, Sweet Dreams, My Babe et Encore un soir et Black Boy. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite une nouveauté et même une exclusivité. Ici, c'est Paris, le nouveau Darcy. C'est sur leur EP Fangio, sorti en décembre 2018. On retrouve Fangio, Ici, c'est Paris, La Bière et Darty. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, Soundcloud, YouTube. D'ailleurs, le clip de Fangio est visible sur YouTube et sur toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Je me barre de Bob's Not Dead. C'est sur l'album J'y pense, sorti le 1er septembre 2016. On retrouve À l'encre noire, Au détour d'un troquet, Creuse Manouche et Délit de sale gueule notamment. Ils vont sortir un album au printemps, on a hâte. Ils m'ont promis de me l'envoyer. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live avec Take a Walk de Mr. Big. C'est sur l'album Mr. Big, leur premier album, sorti le 20 juin 1989. On retrouve Wind Me Up, Blown on My Youth et Anything for You. We'll be right back. Chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Je me fais la chave, les potos c'est décidé, je me barre, j'en ai plein les rouleaux, j'en ai plein les placards, marqué avec que dalle. Que dalle, ça vaut rien, je veux pas finir en casse-dalle. Chez Patrick Sébastien, j'ai retrouvé mes couilles au fond d'un tiroir. Je vous laisse vos magouilles, vos désirs de grand soir. Je retourne dans le caniveau, dans la rue, les bistrots. Il y fait franchement meilleur, plus frais, plus beau. Je me barre, je me barre, je me barre. Je me barre, je me barre. J'ai retrouvé mes couilles au fond d'un tiroir. Marre de passer mon temps à passer pour un con, à paraître plus grand pour paraître plus bon. Marre de brûler mes nerfs jusqu'à tournicoter, jusqu'à une envie de bégère, à force de me ronger. Je veux plus tourner en rond, à cloper 10 fois trop, à manger les roustons, à me bouffer le cerveau. Je rêve de liberté, de soleil sans galère. Ça va être dur de trouver sans frôler la misère. Mais je me barre, je me barre, je me barre. Je me barre, je me barre. J'ai retrouvé mes couilles au fond d'un tiroir. Je me barre, je me barre. Je me barre, je me barre, je me barre. J'ai retrouvé mes couilles au fond d'un tiroir. Je vais calquer ma vie sur la vie des manouches, vivre au gré de mes envies et l'histoire un peu louche. À bouffer du bitume, du goudron à foison, à traverser les dunes, des autoroutes en camion. Il faudrait que je me libère de principes terre à terre, vivre au rythme du son et un peu de la lumière. Pour être plus haut, m'engager dans l'armée de l'air. Non, j'école, j'ai le vertige et je préfère ma taverne. Je me barre, je me barre, je me barre. Je me barre, je me barre. J'ai retrouvé mes couilles au fond. un tiroir. Je rêve pas de paillettes, j'aime pas, ça pique les yeux. Je veux que ma vie soit une fête, je veux rester amoureux. Vivre d'amour et de bière fraîche, de rencontres à gogo. Pas de bis de business ou de requin marteau. Je rêve pas de paillettes, j'aime pas, ça pique les yeux. Je veux que ma vie soit une fête, je veux rester amoureux. Vivre d'amour et de bière fraîche, de rencontres à gogo. Pas de bis de business ou de requin marteau. Je rêve pas de paillettes, j'aime pas, ça pique les yeux. Je veux que ma vie soit une fête, je veux rester amoureux. Vivre d'amour et de bière fraîche, de rencontres à gogo. Pas de bis de business ou de requin marteau. Je me barre, je me barre, je me barre. Je me barre, je me barre. Je me barre, je me barre, je me barre. Je me barre, je me barre. J'ai retrouvé mes couilles au fond d'un tiroir. When you put your foot down, baby, don't down on me. You made your last one, darling, and that's all I can take. So take a walk, take a long and lonely walk. You better think about it. Come on back with a whole new start. I wash my hands, you and your plans to take over. Take a walk. Ooh. Love is crime and punishment. Do this, do that, put your heart back in your head. Let's play house instead. You complain about every little thing. You're not happy till the chains are right around Billy's leg. Take our time for a change. When you put your foot down, baby, stomp it down on me. Too much is enough now, darling. So I can take, so take a walk. Take a long and lonely walk. You better think about it. Come on back, we'll go. Take a walk. Take a walk. Well, how long, hot too hot, you gotta take a walk. Now, darling. Woo. Take a walk. Beauty, baby, beauty, you wanna get on with your life. Yo, move on down the road. Yeah. J'adore ces vieux sons live d'époque. On vient de s'écouter Shapes and Shadows de Panda Dub, My Babe de le nouveau Screaming Keys. Ici c'est Paris, le nouveau Darcy et même l'exclusivité de Darcy. Je me barre de Bob's Not Dead et on a fini ce bloc en live avec Take a Walk de Mr. Big. On continuera cette émission avec un petit reggae en live. Donc c'est Reggae Fee Pitch de Linton Kwesi Johnson. C'est sur l'album Brass Culture sorti le 9 mai 1980. On retrouve Street 66, England is the Beach et Reggae Sound. C'est l'album qui le révéla au grand public. On écoute ensuite Zonar, le nouveau Lion Slow. C'est sur leur EP 3 titres, Zonar, sorti le 22 décembre 2018. On retrouve Zonar, déjà mort, et en rester là. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Curse of the Damned de Night Demon. C'est sur l'album Curse of the Damned, sorti le 14 janvier 2015. On retrouve Screams in the Night, The Howling Man et Run for Your Life. Je les adore. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus depuis ces albums, parce qu'il y en a eu deux ou trois, dont un live, et c'était bien top. On continuera ensuite avec LSD for Ethiopie de Ludwig von 88. C'est leur EP 4 titres sorti en mai 1990 qui s'appelait LSD for Ethiopie, We Are the World. On retrouve LSD for Ethiopie, Bourgogne, Africa Vice et boum. Il est fier de sa connerie. Et on finira ce bloc en live avec Strip de Rammstein. C'est sur l'album Volker Ball sorti en 2005. On retrouve Links j'arrive jamais à le dire. Links 234, Riser, America. C'est un sacré bon live. Rien à voir avec le son pourri de du fond de la cave du Zénith de Paris en 2014. C'était bien le meilleur album live de Rammstein. Everywhere you go, it's the talk of the day. Everywhere you go, you hear people say that the special patrol them a murderer. We can't make them get no further. The SPG them a murderer. We can't make them get no further. Because them kill Blair Peach, the teacher. Them kill Blair Peach, the dirty bleeders. Blair Peach was an ordinary man. Blair Peach, he took a simple stand against the fascists and them wicked plan. So them beat him till them life was done. And everywhere you go, it's the talk of the day. Everywhere you go, you hear people say that the special patrol them a murderer. We can't make them get no further. The SPG them a murderer. We can't make them get no further. Cause them kill Blair Peach, the teacher. Them kill Blair Peach, the dirty bleeders. Blair Peach was not an Englishman. Him come from New Zealand. Now them kill him and him dead and gone. But his memory lingers on. Oh ye people of Europe, great injustices are committed upon the land. How long will he permit them to carry on? Is Europe becoming a fascist place? The answer lies at your own gate, and in the answer lies your fate. Merci, thank you very much. Les années, faut-il se faire un moment, tu chez les autres. Et tu tournes en rêvant à tout tour de l'arrivée d'un meilleur jour. Sur la zone, sur la zone, tu regardes passer les autres. Et tu tournes en rêvant à tout tour de l'arrivée d'un meilleur jour. Toi, t'as pas changé, même si tes potes se sont rangés. Le temps passé n'attend pas, mais t'as du mal à l'accepter. Comme prisonnier d'une époque qui ne reviendra pas. Alors tu restes là à tenir compagnie au bras. Sur la zone, tu regardes passer les autres. Et tu tournes en rêvant à ton tour de l'arrivée d'un meilleur jour. Sur la zone, tu regardes passer les autres. Et tu tournes en rêvant à ton tour de l'arrivée d'un meilleur jour. We'll be right back. Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. Done.